بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 123 dans l'explication de Kitab al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah رحمه الله avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan حفظه الله تعالى. On est arrivé donc à l'explication du Cheikh quand il mentionne les exemples des karamat, des awliya. Donc il cite des exemples. On a mentionné les exemples des mu'ajizat, des prophètes, les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a mentionné des exemples des karamat, des sahaba. Et ensuite, il va donner des exemples aussi d'autres par la suite. Donc on continue dans ces exemples-là. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit « وَجَرَى مِثْلُ ذَلِكَ لِأَبِي مُسْلِمَ الْخَوْلَانِ الَّذِي أُلْقِيَ فِي النَّارِ فَإِنَّهُ مَشَى هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْعَسْكَرِ عَلَى دِجْلَةَ وَهِيَ تُرْمَى بِالْخَشَبِ مِنْ مُدِّهَا ثُمَّ التَفَتَ إلى أصحابه فقال تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو الله عز وجل فيه فقال بعضهم فقدت مخلاة فقال اتبعني فتبعه فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها وطلبه الأسود العنسي لما ادعى النبوة فقال له أتشهد أني رسول الله فقال ما أسمع قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه قائما يصلي فيها وقد صارت عليه بردا وسلاما وقدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله. Donc ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, au dernier cours on mentionnait l'exemple de ceux qui, justement, parmi les sahaba, voulaient traverser, ils devaient traverser un cours d'eau ou bien un espace où il y avait de l'eau, une rivière ou quelque chose comme ça. Et yani, le compagnon en question, il a dit aux autres sahaba qui étaient avec lui hein, de traverser avec leur monture, et ils ont passé sur l'eau. Donc ici, le cheikh, il mentionne un autre exemple de Abu Muslim al-Khawlani qui a été jeté dans le feu, hein, qui a été jeté dans le feu, et qui a été sauvé. Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé. Il n'a pas brûlé. Donc ça fait partie des exemples aussi des karamates. Et on va lire l'explication, puis après on va clarifier certaines explications à ce sujet-là. Il dit « وَفِي سِيَاقِ ذِكْرِ الْكَرَامَاتِ لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ فَمِنْهَا هَذِهِ الْوَاقِعَةِ لِأَبِي مُسْلِمَ الْخَوْلَانِ وَهُوَ وَلِيٌّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ فِي الْيَمَنِ وَمِنَ التَّابِعِينَ عَذَّبَهُ الْأَسْوَدَ الْعَنَسِ الَّذِي يَدَّعِ النُّبُوَّةِ فأحضره وقال له أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال أتشهد أني رسول الله قال لا أسمع فأمر به فألقي في النار فلم تضره النار. Donc c'est ça l'histoire, c'est l'exemple de Abu Muslim al-Khawlani qui a été jeté dans le feu à l'époque parce que c'était un des tabi'in, c'est-à-dire les élèves des sahaba, parmi ceux qui parmi ceux qui faisaient partie des serviteurs pieux et des hommes pieux parmi les tabi'in. Et il était au Yémen à l'époque de Al-Aswad Al-Anasi. Et Al-Aswad Al-Anasi, il fait partie des gens qui ont prétendu être un prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils font partie des Dajjalin, hein, des faux prophètes. Et lorsqu'ils ont attrapé ce musulman Abu Muslim al-Khawlan, ils l'ont attrapé et lui ont demandé: est-ce que tu témoignes que je suis le messager d'Allah? C'est-à-dire, Al-Aswad al-Anas, il lui dit: est-ce que tu témoignes que je suis le messager d'Allah? Il a dit: j'entends pas. Et après, il lui a dit: est-ce que tu témoignes que je suis le messager que Muhammad est le messager d'Allah? Et il a dit: oui. Alors à ce moment-là, ils ont ramené du feu et puis ils l'ont jeté dedans. Et finalement, il n'a même pas été brûlé. Hein, il n'a pas été brûlé et il a même fait sa salat dans le feu. Et ça a été sans effet. Hein, c'est-à-dire, il n'a pas brûlé, il n'a pas été affecté par le feu. Et yani, ensuite, qu'est-ce qui est mentionné ici, c'est que il est parti à Médine par la suite. Il est parti à Médine après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr et Omar, lorsqu'ils l'ont vu, ils l'ont fait asseoir entre eux. C'est-à-dire, ils lui ont dit: assois-toi entre. Yani, ils l'ont fait s'asseoir entre les deux, entre Abu Bakr et Omar. Subhanallah. Donc, ça, c'est un honneur, hein, en même temps. Et Abu Bakr radiallahu anhu a dit: louange à Allah qui ne m'a pas fait mourir avant de voir parmi la umma de Muhammad celui à qui on a fait la même chose que ce qu'on avait fait à Ibrahim, le bien-aimé d'Allah. Et donc c'est ça que le cheikh explique ensuite, le cheikh Al-Fawzan, il clarifie cette histoire. Et il dit: هذه كرامة له. Donc Abu Muslim Al-Khawlani, qui faisait partie des awliya d'Allah, parmi les pieux du Yémen, parmi les tabi'in, c'était une karama, hein, c'était un prodige que Allah lui a donné. Il dit: anna Allah waqahu min an-nar wa qad waqa'a hadha li Ibrahim al-Khalil sallallahu alayhi wa sallam fa hiya lil Khalil mu'jiza wa li Abi Muslim karama wa lamma wafada جاء إلى المدينة في حياة أبي بكر رضي الله عنه فأجلسوه بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إكراما له وقال عمر الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله كما سبق أن الكرامة للولي معجزة للنبي فكرامة أبي مسلم هذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ici le cheikh il explique que c'est une karama que Allah lui a permis de faire, dans le sens que, ou bien plutôt que Allah lui a donné du fait qu'il n'a pas été affecté par le feu. La même chose s'était produite à Ibrahim, le bien-aimé d'Allah. Et c'est donc un miracle, hein, ou bien un prodige, comme on dit. Et c'est un miracle pour Ibrahim al-Khalil et une karama pour Abu Muslim al-Khawlani. Et lorsqu'il est venu par la suite dans une délégation, il est venu à Médine pendant la vie d'Abu Bakr, pendant le khilafa d'Abu Bakr radiallahu anhu, et on l'a fait asseoir entre Abu Bakr et Omar. Pour l'honorer. Et c'est Omar finalement qui a dit: louange à celui qui a fait que je ne meure pas avant d'avoir vu parmi les gens de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quelqu'un à qui on a fait subir la même chose que ce qu'on avait fait à Ibrahim, le bien-aimé d'Allah. Et donc le cheikh il dit, comme on l'avait dit précédemment, c'est une karama pour le wali, pour l'homme pieux, et c'est un miracle pour le prophète en même temps. Et donc c'est un miracle pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et une karama pour Abi Muslim. Et il dit: wa min karamatihi thaniya hadhihi alwaqi'a fi almashy ala nahr Dujla ala alkhuyul faqata'uhu wa lam tata'athar khayluhum wa rukabuhum bilma' ولم تتأثر خيلهم وركابهم بالماء، حتى إنه قال لأصحابه: هل أحد منكم ضاع له شيء؟ فقال رجل منهم: نعم، ضاع لي مخلاه، مثل المخلب، يعني يقطع به الخلاء، وهو العشب، فدعا الله فوجدها متعلقة بشيء فأخذها. Il dit également, il y avait une autre karama qui est mentionnée aussi, c'est lorsque il a marché sur la rivière, il a marché sur l'eau avec les montures, hein, et il a fait marcher avec lui sur l'eau, tous ceux qui étaient avec lui ont traversé la rivière sur leurs montures sans qu'ils se fassent toucher par l'eau. Même qu'il a dit à certains de ses compagnons, « Est-ce que l'un d'entre vous a perdu quelque chose ?» Et un homme parmi eux a dit, « Oui, il a perdu un objet, il a perdu quelque chose. » Et il l'a trouvé accroché à quelque part. Alors il a invoqué Allah et puis il l'a trouvé accroché à quelque chose. Hein. Donc ça fait partie donc de ces karamat aussi. Il dit ensuite, « ووضعت له جارية السم في طعامه فلم يضره وخببت امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعميت وجاءت وتابت فدعا لها فرد الله عليها بصرها. أي نعم. Donc il explique que une servante avait mis du poison dans sa nourriture. Hein? Et elle avait également fait de la sorcellerie pour essayer de corrompre la relation qu'il avait avec sa femme, pour faire des problèmes entre lui et sa femme. Alors, il a fait une invocation contre elle et elle est devenue aveugle. Puis ensuite, elle est venue, puis elle s'est repentie. Alors, il a invoqué pour elle et Allah lui a rendu sa vue. Donc, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit, « وَمَعَ أَنَّهُ مِنْ عَادَةِ السُّمْ أَنْ يَقْتُلْ فَالَّذِي أَنْجَاهُ مِنَ النَّارِ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْجِيهِ مِنَ السُّمْ وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَىٰ يُسْلِبُ هَذِهِ الْمَوَادِ خَصَائِصَهَا إِذَا شَاءَ فيسلب النار الإحراق ويسلب السم القتل وهذه القصة الثالثة له كرامة ثالثة له التخبيب هو تنفير الزوجة من زوجها ومن الملعونين من خبب امرأة على زوجها. Donc ici, le cheikh, il explique que l'habitude, habituellement, le poison, ça tue. Mais celui qui l'a sauvé du feu est capable de le sauver du poison également. Et Allah subhanahu wa ta'ala a retiré à cette substance empoisonnée cette particularité lorsqu'il veut. Hein? S'il veut lui enlever cette particularité, il lui enlève. Et il a également enlevé au feu la capacité de brûler. Et donc, il est capable également de retirer au poison sa capacité de tuer. Et cette troisième histoire, donc, c'est une troisième karama pour Abu Muslim al-Khawlani. De même que la servante qui avait essayé de créer des problèmes entre sa femme et lui, et de faire fuir sa femme de son mari. Et yani, il a mentionné ici, le cheikh, qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui indique que toute personne qui crée des problèmes entre un homme et sa femme, hein, dans le sens qu'il veut, séparer entre un homme et sa femme, yani, il est maudit. Et dans une narration que le cheikh a mentionnée en note de bas de page, hein, selon Abi Huraira, il dit قال رسول الله ليس منا من خبب امرأة على زوجها. Il n'est pas des nôtres celui qui pousse une femme contre son mari. Et ça, c'est rapporté par Abu Daoud, Al-Hakim et Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit « Wa kana Amir ibn Abd Qays ya'khudhu ata'ahu alfay dirham fi kummihi وما يلقاه سائل في طريقه إلا أعطاه بغير عدد ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها. Donc il dit, il y a un autre parmi les tabi'in, parmi les adorateurs, parmi les tabi'in, qui s'appelle Amir ibn Abd Qays. Et Amir ibn Abd Qays, yani il est connu par Ibn Abd Qays. C'est le nom par lequel il est connu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait environ yani 2000 dirhams dans sa manche et il sortait dans la rue. Puis chaque fois qu'il trouvait quelqu'un qui était dans le besoin, il lui donnait. Hein, quelqu'un qui lui demandait, il lui donnait. Sans calculer. Et quand il retournait chez lui, il trouvait que la quantité de pièces d'argent qu'il avait n'avait pas diminué, hein, et le poids n'avait pas baissé non plus. Subhanallah. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ça, il dit Ya'khudhu ata'ahu. Ya'khudhu ata'ahu, ya'ni nasibahu min bayt al-mal. فما لقيه من فقير أعطاه فلا ينقص عدد ما معه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال عبد من صدقة فإما أنه يزيد بركة وينقص عددا ولكنه يزيد بركة وإما أنه لا ينقص عدده أيضا كما في هذه القصة وهذه كرامة أما لغيره فالمال إذا تصدق منه ينقص عدده ولكن يزيد بركة أما هذا الولي فلم ينقص عددا أيضا وهذه من كرامات الأولياء. Donc ici le cheikh il explique que ce tabi'i, Amir ibn Abd Qays, il prenait son dû, hein, de la Baytul Mal, c'est-à-dire le trésor des musulmans. Hein. Il allait prendre ce qui lui revenait et en chemin, il mettait son argent dans sa poche ou dans sa manche. Et toute personne qui lui demandait, il lui donnait sans calculer. Et ça ne diminuait jamais. Hein, son argent ne diminuait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que la sadaqa ne fait pas diminuer l'argent d'un serviteur. Donc quand tu donnes en sadaqa, ça ne fait pas diminuer ton argent. Parce qu'il y en a qui calculent leur argent. Puis ils disent, ah, mais si je donne en sadaqa, mon argent va diminuer. Et le cheikh, il explique ici que le fait de donner en sadaqa, ça ne fait pas diminuer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans le hadith, rapporté par At-Tirmidhi, le fait de donner en sadaqa ne fait pas diminuer l'argent. Et le cheikh, il explique la signification de ça. Il dit que c'est soit que ton argent va augmenter en bénédiction, même si elle diminue en nombre, ou en quantité, mais elle augmente en bénédiction. La bénédiction, ça veut dire que même si tu as peu d'argent, mais tu peux faire beaucoup de choses avec, parce qu'il y a beaucoup de bénédictions dans cet argent. Il dit ensuite, mais, ou bien soit qu'elle ne diminue pas en nombre également, comme c'est le cas dans cette histoire-là, et ça fait partie des choses miraculeuses. Hein, des prodiges qui se passent pour certaines personnes, ça peut arriver. Mais ça, c'est hors de l'ordinaire, comme on dit, hein, parce que c'est une karama. Il dit, tandis que pour les autres personnes en général, lorsqu'ils dépensent de leur argent et même quand ils donnent en sadaqa, leur argent diminue en nombre, même si elle augmente en bénédiction. Tandis que le wali, hein, ce wali, son argent ne diminuait pas. Le fait de donner ne faisait pas diminuer son argent réellement. Et donc ça fait partie des karamat des awliya. Il dit, wa marra bi qafilatin qad habasahum al-asad. Faja'a hatta massa bi thiyabihi al-asad. Thumma wada'a rijlahu ala 'unuqihi wa qala innama anta kalbun min kilab ar-rahman. Wa inni astahi an akhafa shay'an ghayrah. Wa marrat al-qafilatu ودعا الله تعالى أن يهون عليه الطهور في الشتاء فكان يؤتى بالماء له بخار ودعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه. Donc ici le cheikh il mentionne d'autres karamat de Ibn Abd Qais. La première, c'est le fait qu'il y a une caravane qui a été empêchée de circuler ou d'avancer à cause d'un lion qui était sur le chemin. Et donc, il est venu avec son vêtement et il a touché le lion avec son vêtement. Et ensuite, il a mis son pied sur le cou du lion. Et il a dit, tu n'es qu'un chien parmi les chiens d'Allah, hein, que Allah a créé, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Et il dit, et j'ai honte, hein, ou je suis gêné de craindre quoi que ce soit en dehors de lui. C'est-à-dire, je suis gêné de craindre quoi que ce soit en dehors d'Allah. Alors, la caravane est passée. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit, Azallallahu lahu l'asad, as-sub'a. الفاتك الذي أرعب الناس وسد عليهم الطريق فجاءه ومسه بثيابه ووضع رجله على رقبته أو رقبته وقال له إنما أنت كلب من كلاب الله يعني أن الله قادر على أن يمنعك من أذى الناس وقال إني أستحي من الله أن أخشى شيئا غيره. Donc il résume l'histoire, il raconte l'histoire en clarifiant les points. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a humilié, pas humilié mais rendu, il a fait en sorte que le lion soit docile, hein? Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu le lion docile alors que c'est une bête féroce, hein, un animal sauvage et féroce qui fait peur aux gens. Et il avait empêché justement les gens d'avancer sur le chemin. Alors il est venu, il l'a touché avec son vêtement et il a mis son pied sur son cou et il a dit, tu n'es qu'un chien parmi les chiens d'Allah. C'est-à-dire, Allah est capable de t'empêcher de faire du tort aux gens parce que c'est lui qui t'a créé. Et il a dit, et j'ai honte, ou bien je suis gêné de craindre, hein, je suis gêné devant Allah de craindre quiconque ou quoi que ce soit en dehors de lui. Et il a dit que le lion les a donc laissés par la suite, et ils sont passés, hein, sans que rien ne leur arrive, hein, sans qu'ils les attaquent. L'autre exemple, le cheikh il dit que à une autre occasion, il a fait un dua à Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui allège la purification, hein, pendant l'hiver. Alors, on lui amenait de l'eau, hein, il recevait de l'eau avec de la vapeur, hein, qui sort de cette eau, en voulant dire qu'elle était chaude. Quand il trouvait de l'eau, elle était chaude, en plein hiver, Et le cheikh, il explique ça, il dit « دَعَ اللَّهُ أَن يُهَوِّنَ عَلَيْهِ بُرُودَةَ الْمَاءِ فِي الشِّتَاءِ لِأَنَّهُ يَقُومُ لِلصَّلَاةِ فَيَتَوَضَّأُ بِمَاءٍ بَارِدٍ فَكَانَ يَأْتِ بِالْمَاءِ سَاخِنًا دُونَ تَسْخِينَ إِجَابَةً لِدَعْوَتِهِ وَهَذَا مِنْ كَرَامَتِهِ » Donc il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala de lui alléger le froid de l'eau, la froideur de l'eau en hiver. Et vous savez, l'eau froide en hiver, c'est quelque chose qui est terrible. Vous ne pouvez pas comprendre ça jusqu'à ce que vous ayez... jusqu'à ce que vous soyez dans cette situation où vous devez faire votre wudu ou bien vous devez faire l'istinja avec de l'eau glacée. Et c'est vraiment terrible. Ça fait mal même des fois, c'est tellement c'est froid. C'est pire que de l'eau, c'est comme de l'eau brûlante en fait. Si c'est de l'eau qui est brûlante, quand tu la mets sur ta peau, ça te brûle. Et bien de l'eau glacée, c'est presque la même chose. Après un certain temps, tu ne sens même plus tes doigts, ni ta main, ni rien là. Et une fois, je me rappelle, j'étais en plein hiver, j'étais dans un pays arabe. Bon, c'était en Jordanie. Et moi, je ne savais pas que l'hiver dans les pays arabes, certains pays arabes comme ça, il faisait froid. Je pensais que c'était toujours chaud. Mais j'ai jamais eu autant froid de ma vie que lorsque j'étais justement dans ce pays-là, subhanallah, en hiver. J'ai dormi, je me rappelle, c'était l'hiver, on a dormi. Avec les couvertures, et en plus des couvertures, j'avais mon manteau d'hiver et mes vêtements et mes chaussures, et j'avais froid quand même. Yani, subhanallah. Donc le matin, quand on est allé pour le Fajr, et il n'y avait pas de chauffage, et l'eau dans la maison était tellement glacée, subhanallah. C'était terrible. Donc, ça, c'est un exemple. Et lui, ce wali d'Allah, cet homme pieux, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui rende ça plus facile. Parce qu'il se levait pour la salat et il faisait le wudu avec de l'eau glacée, de l'eau froide. Mais l'eau, lui, était réchauffée sans qu'il ait à la chauffer, l'eau. Elle arrivait avec... elle était déjà chaude, sans qu'il ait à la chauffer. Et ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné ça comme karama. Une sorte de miracle. Et il donne un autre exemple. Il dit qu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala d'empêcher le shaitan de le déranger dans son cœur pendant sa salat. Alors le shaitan n'était pas capable de le déranger pendant sa salat. Il dit le cheikh Al-Fawzan, لأن الشيطان يوسوس للمصلي ويشغله وقل من يسلم من ذلك ولكن هذا الولي دعا الله أن يمنع الشيطان عنه فمنعه في صلاته فكان لا يقدر على أن يوسوس له. Il dit que le shaitan, il vient toujours essayer de distraire la personne dans sa prière et de lui faire penser à des choses, de lui suggérer des idées pendant qu'il prie, pour le distraire. Et il dit qu'il y a très peu de gens qui sont épargnés de ce genre de choses. Il dit, mais ce wali a invoqué Allah pour empêcher le shaitan de venir le déranger pendant sa salat. Et par conséquent, donc il ne pouvait plus venir le déranger pendant sa salat, et il n'était pas capable de lui faire des ouswas, de venir lui soupirer des suggestions dans son cœur. Un autre exemple, il dit wa taghayyaba al-Hasan al-Basri 'an al-Hajjaj fa dakhalu 'alayhi 6 marrat fa da'a Allah 'azza wa jalla fa lam yarawhu ودعا على بعض الخوارج فكان يؤذيه. ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميتا. سبحان الله. Donc ici Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il mentionne l'exemple de Al-Hassan al-Basri qui est un parmi les tabi'in, un grand parmi les tabi'in. Il est mort à Basra en l'an 110. Sa kunya c'est Abu Sa'id et son nom c'est Al-Hassan ibn Yasar al-Basri. Et on l'appelle Al-Basri parce qu'il vivait à Basra. Il est mort là-bas. Ensuite, donc, l'histoire ici, c'est que Al-Hassan al-Basri, il se cachait de Al-Hajjaj. Al-Hajjaj était le gouverneur, un des gouverneurs à son époque, à cette époque-là. Et Al-Hajjaj est connu pour sa cruauté, sa force et sa cruauté. Et donc il se cachait, il se cachait de lui. Et à 6 reprises, ils sont venus pour essayer de l'attraper. Et à chaque fois, il invoquait Allah, Azza wa Jal, et justement, ils n'étaient pas capables de le voir. Donc ils l'ont pas attrapé. Et à une autre occasion aussi, une autre karama de Al-Hassan al-Basri, c'est qu'il a fait un doua contre certains parmi les khawarij qui lui faisaient du tort. Et il est mort sur le champ. Il est mort direct, il est tombé mort. Celui qui lui faisait du tort est tombé mort. Après que Al-Hassan al-Basri ait fait une invocation contre lui. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ces deux exemples. Il dit, Al-Hassan al-Basri, ibn Abi al-Hassan, imam al-Tabi'in, العالم المشهور العالم المشهور الحسن البصري كان الحجاج يغضب عليه لأنه لا تأخذه في الله لومة لائم وينكر على الحجاج والحجاج كما تعلمون رجل فاتك سفاك سفاك للدماء مخيف أرسل إليه في طلبه دخل عليه جند الحجاج في بيته فدعا الله أن لا يروه فلم يروه الله قادر على كل شيء فكما أخذ أبصار المشركين عن عيسى ابن مريم عليه السلام حتى رفعه الله من بينهم وهم مجتمعون لقتله كما أنجى الله محمدا صلى الله عليه وسلم من المشركين في مكة عندما كانوا يريدون قتله فخرج من بينهم وكذلك في غار ثور وقفوا عليه وهو وصاحبه فلم يروه ونجاه الله منهم هذه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم وهي كرامة للحسن البصري والكرامة إنما تحدث عند الحاجة أو عند الحجة في الدين Donc il dit Al-Hassan al-Basri, c'était l'imam des tabi'in, le grand savant célèbre. Et Al-Hajjaj, un des gouverneurs de l'époque, il était fâché contre lui parce que Al-Hassan al-Basri, il ne craignait pas le blâme de personne quand il parle de la religion d'Allah, il ne craint le blâme de personne. Donc il dit les choses et il clarifie la religion et il explique les choses comme il faut. Alors, Al-Hajjaj, il n'était pas content de Al-Hassan al-Basri. Et une chose qui, comme vous savez à propos de Al-Hajjaj, c'était un homme qui était dur, cruel et qui n'avait pas peur de tuer. Il tuait, il faisait couler le sang et il faisait peur aux gens. Les gens avaient très peur de lui. Alors, il envoyait ses soldats pour attraper Al-Hassan al-Basri. Et à 6 reprises, les soldats de l'armée de Al-Hajjaj sont rentrés dans la maison de Al-Hassan al-Basri et il a fait une invocation pour qu'on ne le voit pas, hein, et ils ne l'ont pas vu. Et donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de tout. Et donc comme il a pris la vue des mouchriquins pour empêcher de voir Isa, le fils de Marie, lorsqu'il l'a élevé aux cieux alors qu'il était parmi eux, et qu'ils étaient tous réunis là pour le tuer, de la même manière qu'il a sauvé aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était parmi les mouchriquins à Mecca et qu'ils essayaient tous de l'attraper pour le tuer, hein, il est sorti de parmi eux, et lorsqu'il était dans la grotte aussi, hein, en chemin vers Médine, quand ils s'en allaient faire la hijra, et qu'ils sont arrivés au pied de la grotte, et qu'ils ne l'ont pas vu. Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé, hein, d'eux. Et ça fait partie des miracles pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une des karamates, parmi les karamates d'Al-Hassan al-Basri, et Al-Karama, elle se produit soit lorsqu'il y a un besoin, ou lorsque on veut établir, Allah subhanahu wa ta'ala veut établir la preuve dans la religion. Il dit ensuite, كان رجل من الخوارج, hein, à propos de l'autre exemple, à propos des خوارج, il dit, وكان رجل من الخوارج وهم الفئة الضالة التي تشق عصا المسلمين ولا ترى السمع والطاعة لولي الأمر, يعني تكفر المسلمين بالذنوب التي دون الشرك كما يؤذي الحسن البصري, كان يؤذي الحسن البصري لأن الحسن يخالف الخوارج وينتقد كلامهم فتأذوا منه, فجاء هذا الخارجي يهدد الحسن البصري فدعا الله عليه فخر في مكانه, وهذا من كرامات الأولياء إجابة الدعوة في الحال. Donc le cheikh il dit que les Khawarij, c'est un groupe parmi les groupes d'égarés qui brisent l'unité des musulmans, hein, et qui ne considèrent pas l'obligation d'obéir et d'écouter aux dirigeants, hein, d'obéir et d'écouter aux dirigeants dans la religion. Et ils font le takfir des musulmans pour des péchés qui sont moindres que le shirk. Et donc un d'entre eux qui yani oppressait, il faisait du tort à Al-Hassan al-Basri, parce que Al-Hassan il contredisait les Khawarij, il réfutait les Khawarij, et eux ils aimaient pas ça, ils aimaient pas que Al-Hassan al-Basri les critique. Alors un d'entre eux est venu pour le menacer, il veut menacer Al-Hassan al-Basri comme beaucoup d'entre eux ils font aujourd'hui avec les savants de la sunna. Et yani, Al-Hassan al-Basri a fait un dua contre lui et il est tombé raide mort devant lui sur le champ. Aussitôt que Al-Hassan al-Basri a fait son dua contre lui, il est tombé par terre mort direct. Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son invocation sur le champ. Et ça fait partie des karamat, des awliya. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le hadith Qudsi qui mentionne, il dit man adali waliyan, Allah subhanahu wa ta'ala il dit man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb, c'est-à-dire quiconque fait du tort à un de mes serviteurs rapprochés, je lui déclare la guerre. Donc celui qui embête ou qui opprime ou qui fait du tort à un des serviteurs rapprochés d'Allah, qu'il fasse attention. Parce que, en plus, c'est l'invocation de l'opprimé. Il n'y a pas de voile entre Allah et lui. Hein, et son invocation. Donc s'il invoque contre toi, yani, ça peut être fatal. Un autre exemple, il dit وصلة ابن أشيم وصلة وصلة بن أشيم مات فرسه وهو في الغزو فقال اللهم لا جعل لمخلوق علي منة لا اللهم لا تجعل لمخلوق علي منة ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسه فلما وصل إلى بيته قال يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية فأخذ سرجه فمات الفرس. Ok, donc Sila ibn Ashyam, c'est un tabi'i parmi les pieux adorateurs de la ville de Basra. Il est mort en l'an 75 après la Hijra. Et donc son cheval était mort pendant qu'il était dans une bataille. Hein? Alors il a fait une invocation, il a invoqué Allah. Et il a dit, « Oh Allah, ne donne pas à une créature sur moi aucune faveur. » Et il a invoqué Allah, et Allah a fait revivre sa monture, son cheval. Lorsqu'il est rentré à la maison, il a dit à son enfant, à son fils, « Oh mon fils, prends les choses qui sont sur le cheval, parce que c'est quelque chose qu'on m'a prêté. » Alors il est allé, il a pris les choses qui étaient sur le cheval, et le cheval est mort hein, sur le champ. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit, « كَذَلِكَ مِنَ الْكَرَامَاتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ يُحْيِي بَعْضَ الدَّوَابِ التي تكون مع ولي من الأولياء يحمل عليها متاعه ويقطع بها مسافة الطريق قد تموت فيدعو الله أن يحييها حتى توصله فالله عز وجل يستجيب له ويحيي هذه الدابة وهذا تكرر وقوعه لأولياء الله الله قادر على أن يحيي الموتى إما حياة دائمة أو حياة مؤقتة مثل ما وقع في القتل من بني إسرائيل لما ضربوه بجزء من البقرة أحياه الله وأخبر بمن قتله وقصة الذين خرجوا من ديارهم يخشون الموت لما وقع الوباء في بلدهم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم وكذلك قصة الذين قالوا لموسى عليه السلام أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فهلكوا ثم إن موسى عليه السلام دعا الله أن يحييهم ليرجعوا معه إلى بني إسرائيل لئلا يقولوا قتل خيارنا فأحياهم الله ورجعوا معه الله قادر على كل شيء الذي مر بالقرية وهي خاوية على عروشها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام يعني مات هو وحماره 100 عام ثم بعثه يعني بعث حماره هذه قدرة الله عز وجل لا يعجزها شيء وصل فلما وصل إلى بيته قال يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية فأخذ سرجه فمات الفرس عاد إلى الموت نعم donc ici le Cheikh Al-Fawzan il mentionne que parmi les exemples des karamat que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à certains de ses serviteurs pieux c'est le fait de faire revivre certains de leurs animaux ou de leurs bêtes. Lorsque certains hommes pieux, par exemple, ils ont avec eux un animal ou une monture. Ils ont cette monture pour transporter leurs marchandises ou leurs biens. Et donc, ils traversent une distance avec cet animal et puis elle meurt en chemin. L'animal meurt en chemin. Alors, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah la fasse revivre, pour qu'ils puissent arriver à leur destination. Allah subhanahu wa ta'ala exauce leur invocation, fait revivre cet animal, et cela s'est reproduit à plusieurs reprises pour certains des serviteurs pieux de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de faire revivre les morts, soit d'une vie permanente ou bien temporaire. Et cela s'est produit pour les fils d'Israël. Lorsque, par exemple, l'un d'entre eux avait été tué et qu'il a ordonné qu'on frappe cette personne d'un morceau de la vache, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait revivre pour informer de celui qui l'avait tué. Et dans l'exemple également, dans l'histoire de ceux qui étaient sortis de leur maison par milliers, craignant la mort à cause de la maladie, de la peste qui était dans leur pays. Donc ils s'enfuyaient tous. Hein? Et comme Allah subhanahu wa ta'ala le raconte dans le verset 243 dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala raconte cette histoire-là. N'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leur demeure? Et il y en avait des milliers, par crainte de la mort. Puis Allah leur dit, mourez. Après quoi il les a rendus à la vie. Il les a fait revivre. Et dans l'histoire également de ceux qui étaient partis avec Moussa alayhi salam et qui ont dit à Moussa alayhi salam, montre-nous Allah. Alors ils ont été frappés et foudroyés. Ils sont tous morts. Puis ensuite, Moussa alayhi salam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il les fasse revivre, pour pas qu'ils retournent à Bani Israël et qu'ils disent, tu as tué les meilleurs d'entre nous. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les a fait revivre et ils sont donc retournés avec lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de faire tout ça. Il est capable de faire ce qu'il veut. Et il dit que également lorsque celui qui était passé à côté d'une ville ou d'un village ou d'une ville, une cité, et yani, elle était complètement vide, il n'y avait plus personne, comme c'est mentionné dans le verset 259 dans Surat Al-Baqarah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a fait revivre. 259, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Il a dit, comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Allah dit, Allah donc le fit mourir et les garda ainsi pendant 100 ans. Puis il le ressuscita en disant, combien de temps as-tu demeuré ainsi? Il dit, je suis resté un jour ou une partie d'une journée. Non, dit Allah, tu es resté 100 ans. Regarde ta nourriture et ta boisson, rien ne s'est gâté, mais regarde ton âne, et pour faire de toi un signe pour les gens, et regarde ses ossements, comment nous les assemblons et nous les revêtons de chair. Donc tout ça, c'est un exemple qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de faire ce qu'il veut. Pour les êtres humains, c'est pas possible de faire ce genre de choses. Une fois qu'une personne est morte, et qu'elle est devenue poussière, qu'elle s'est décomposée dans la nature, que ses ossements sont devenus de la poussière, c'est pas possible pour eux de faire revivre cette personne, de rassembler sa chair, de rassembler ses os, et de remettre l'âme dans son corps, c'est pas possible. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est facile. Et donc ça, c'est la même chose qu'est-ce qui est arrivé Wasl ibn Ashyam, il s'appelle Sila, pardon. Sila ibn Ashyam, lorsqu'il a donc invoqué Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait revivre son cheval et il est parti avec jusque chez lui. Une fois arrivé chez lui, il a demandé à son fils de prendre ce qui était sur sa monture. Hein, il a dit, ça c'est un prêt, on m'avait prêté. Et yani, il est allé, il a repris ce qu'il y avait sur le cheval. Et le cheval est mort. Il est retourné à la mort, encore une fois. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui avait permis donc de pouvoir retourner jusqu'à chez lui avec cette monture-là. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, on continuera la suite demain, bi'idhnillah, ou bien au prochain cours. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين